Alors Ellie et Lou, vous êtes à la maison, vous êtes restés à la maison toute la journée aujourd'hui? Oui. Et pourquoi vous êtes restés à la maison toute la journée? À cause du coronavirus. À cause du coronavirus. C'est un virus qui fait qu'on va pas à l'école alors? Oui. On va pas y aller pour six semaines. Pour 6 semaines. 6 semaines sans aller à l'école? Ouais. Mais vous allez rien apprendre pendant 6 semaines. Bah si, on fait l'école à la maison. Alors c'est qui la maîtresse à la maison? Papa. Alors papa c'est le maître d'Elie et maman c'est la maîtresse de Lou. Ah bon? On change des fois. Non, je ne veux pas changer. Ah toi tu veux pas changer? Moi oui. Je ne veux pas changer. Ah tu préfères travailler avec maman toi? Non, avec papa. Ah bon? Bah, maman elle est juste à côté, elle va pas être contente. Parce que en plus, la plus douée pour travailler à l'école, c'est quand même maman. Oui. La vraie maîtresse ici, c'est maman. Oui. Bah oui. Papa, bah oui. Papa, c'est une fausse maîtresse. Arrête. Et Lou, ça te manque, toi, à l'école? Ouais. Mais t'as vu ta maîtresse quand même aujourd'hui? Oui. Mais c'était pas dans les règles, ça. C'était pas dans les règles, ça. Elle est venue à la maison? Elle est venue à la maison. Mais elle est restée loin, alors. Mais elle est restée loin, alors. D'accord. Et toi, Ellie? T'as pas vu ton maître? J'ai pas vu mon maître. Comment il va t'envoyer le travail, ton maître? Quoi? Il va t'envoyer du travail, ton maître? Oui, des fois, il va m'en envoyer sur la boîte mail de papa ou de maman. Ah, t'allais dire sur ma boîte mail. T'as pas de boîte mail, toi? Si. T'as une boîte mail? Si, j'en ai une de boîte mail. Elle est sur quoi? Sur ta Nintendo DS? Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait alors aujourd'hui comme travail? Lou d'abord, qu'est-ce que tu as fait comme travail? J'ai découpé... Découpé quoi? Les étiquettes de l'ours et du lit et de la maman. Mais c'est des... Pourquoi il y avait des lits, des ours? C'était quelle histoire? Le grand ours. Le grand ours? Oui. Celui qui dit... Mais qui a dormi dans mon lit? Mais qui a dormi dans mon lit? Alors c'est l'histoire de qui? De le petit ours. Ouais, alors il y avait le petit ours aussi, c'est pas boucle... D'or! Et les... Trois ours! Ok, et toi Ellie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai travaillé dans le livre de Taoki. T'as fait quoi dans le livre de Taoki? J'ai lu les syllabes, les mots... Et l'histoire? Tu l'as lu qu'une fois l'histoire? Deux fois je l'ai lu l'histoire. Et tu l'as même relu, je crois, après manger. Non. Si. Non. Et puis t'as lu un autre bouquin après manger aussi. Oui, alors mes livres sont arrivés par Chronopost. Ouais. En fait, on l'a su par Alexa parce que Alexa, quand elle clignote jaune, ça veut dire qu'elle a des nouvelles notifications. Mais t'es un petit gars hyper connecté, toi. Bah ouais. Tu vis avec ton temps, quoi. Bah ouais. Ouais. Hein ouais. On a fait un peu de maths aussi. Ah oui, on a fait un peu de maths. La table des 1... La table des 1, la table des 2, la table des 3. C'est vrai, ça? Moi, je me rappelle que de la table des 1. T'as craqué après la table des 1, déjà, non? Ouais. On va faire un peu plus de maths demain. Ouais. Bon. Et qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Ah, je sais plus. Bah, c'est papa qui a fait à manger, c'était pas bon. Côte de porc, riz, avec des concombres. C'était bon. C'était bon? Ouais. Bon. C'était très très bon. Faut continuer comme ça, alors. Faut continuer comme ça. Et qui c'est qui fait à manger ce soir? Maman! Ah bon? Bah, non. On va voir avec elle, mais maman, elle travaille, là. Ouais. Mais, tu sais... Peut-être que ce sera maman. Papa. Alors... Maman, c'est le papa, premier jour. Vous allez faire des œufs pour faire à manger. C'est toi qui fais le menu. Ouais. Mais tu fais pas à manger, toi. Je vais faire à manger avec papa et maman. D'accord. Mais d'abord, je vais mettre un tablier. Ok. Alors, c'était le premier jour où on pouvait faire un podcast. Comme on était à la maison toute la journée, en plus, ça tombait bien. Et on va essayer d'en faire un tous les jours. Est-ce je que vous je dis peux à demain. Dire quand même quelque chose. Bien sûr. À demain. Alors après, on va tout écouter dans un casque. Ouais. Que moi j'ai pris pour parler dedans là, le casque. Avec le micro. Ouais. Et puis le micro, il peut se régler dessus. D'accord, bah très bien. Il tourne. Eh ben, on pourra l'utiliser aussi comme un micro pour enregistrer. Eh ben, très bien. On se dit à demain. À demain.